Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la révolution Coco Chanel. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. En libérant les femmes du corset dans lequel la mode des hommes les avait enfermées, Coco Chanel va révolutionner le monde de la mode au 20e siècle. Cette femme, habillant d'autres femmes, va s'évertuer tout au cours de sa carrière à créer une manière d'élégance moderne, l'élégance au quotidien. Cette révolution Chanel, c'est un parfum devenu célèbre, le Chanel numéro 5, c'est un tailleur qui a fait école, le tailleur Chanel, et c'est une petite robe noire devenue un grand classique, la petite robe noire Chanel. Pouvez-vous nous dire ce que sera la mode cette année? Non. Pourquoi? Vous ne le savez pas? Parce que je ne le sais pas. Et puis que si je le savais, je ne vous le dirais pas. Mais est-il possible que vous ne sachiez pas? C'est dans 3 semaines que vous présentez votre... Oui, mais dans 3 semaines, on peut faire beaucoup de choses, y compris changer la mode. Vous comprenez? Parce que ça va très très vite, que c'est impossible. D'abord, je ne finis jamais aucune robe, donc je ne peux pas savoir ce que ça donnera. Je les finis pas, je les vois jusqu'à la dernière minute, je travaille dessus, parce que la mode, c'est une chose très comme ça. Vous savez ça. J'enlève tout ce que j'ai mis, que je trouve inutile. Dans quel état sont-elles en ce moment? En morceaux, monsieur. Et je vous dis la vérité. La mode de ces 10 dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. La taille déplacée, c'est une extravagance? Non. C'est une question de goût, de ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas une extravagance. Une mode qui imite une époque révolue, historique, est-ce de l'extravagance? Ça m'apparaît stupide à moi, personnellement. Vous comprenez, c'est une époque finie. La mode, c'est pas ça. Vous comprenez, la mode, c'est en avant, c'est pas en arrière. On ne recule pas. On ne fait pas des choses qu'on fait, il faut vivre avec son époque. Coco Chanel à l'émission française 5 colonnes à la une en 1959. Cette entrevue serait la toute première entrevue accordée par Coco Chanel à la télévision. Pour nous parler de cette révolution Chanel, je retrouve avec plaisir Véronique Borbouin, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal, une spécialiste du costume. Véronique Borbouin, bonjour. Bonjour. Dans cet extrait, c'est assez formidable ce qu'on vient d'entendre parce que c'est très révélateur de la femme qu'a été Coco Chanel. On l'entend, femme de caractère, précision chirurgicale, un ton tranchant, le souci, l'obsession du mot juste. Parlez-moi un peu de cette femme-là. Quel genre de femme était Coco Chanel? Alors, on l'entend dans cet extrait qui fait quand même partie de la fin de sa vie, disons. Donc, elle a réussi, là. Mais pour réussir, elle a dû travailler. C'est d'abord une femme qui avait une capacité de travail inouïe. Elle a travaillé, d'ailleurs, jusqu'au dernier jour. Et c'est aussi, on l'oublie un peu, une très grande femme d'affaires. Ouais. Il y en avait peu à cette époque-là. Et elle était seule. Elle a eu des gens pour la financer, mais c'est elle qui a tout dirigé d'une main de fer. Elle va d'ailleurs diriger tout le monde d'une main de fer, y compris ses ouvrières. Ouais. Donc, c'est une femme de caractère, nous l'avons dit, mais... Très déterminée. Est-ce qu'il y a une place pour... En tout cas, dans ce qu'on vient d'entendre, non, mais peut-être que c'est une parade. Est-ce qu'il y a une place pour le doute chez Coco Chanel? Le doute au point de vue création, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, elle le dit, puisque jusqu'à la dernière minute, elle va changer. Ouais. Elle va enlever un volant et elle enlève tout ce qui est inutile. Donc, et c'est dans ce sens-là que c'est une femme très moderne. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, même si on la voit sur la fin de sa vie, puis qu'on regarde les petits tailleurs aujourd'hui, avec condescendance, pas du tout. C'est une femme qui a fait une véritable révolution. Et ce qui est très important pour elle, c'est qu'elle a inventé un style. Ouais. Comment le résumer, ce style, ou en tout cas ce génie? Cette semaine d'émission touche à 5 grands créateurs de génie. En quoi Coco Chanel est-elle un créateur, une créatrice de génie? Eh bien, elle a mis le doigt sur le bobo de l'époque avant tout le monde, je pense. Elle a vécu, elle a vu les femmes qui étaient en corset, avec des coiffures énormes, des plumes, les années 1910, avec les plus grands chapeaux du monde. Elle s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et je pense une partie de son génie, c'est de s'être écoutée elle-même. Comment est-ce que moi, je voudrais m'habiller? Ouais. Alors, je suis une femme qui travaille, donc je veux m'habiller simplement et surtout confortablement. Tout d'un coup, l'idée de confort. Voilà, en même temps qu'elle est gamin. L'élégance fait partie de son parcours, oui. Toujours. L'un, ouais. elle, évidemment, pour elle, ça va ensemble. Ouais. L'élégance, c'est la simplicité, mais qui doit être accompagnée du confort. Mm-hmm. Parce que certains couturiers font semblant d'être simples, mais on n'est pas confortable, on n'est pas bien. Ouais. Donc, elle invente une mode pour les femmes qui travaillent. Ouais. Et cet instinct qu'elle a, cette intuition, ce talent, évidemment, vont faire sa fortune et sa renommée. Elle va devenir très riche et très célèbre, alors que quand on remonte aux origines, Véronique Borboin, c'était pas joué d'avance. Elle a une enfance en fait très difficile. En fait, c'est plus que ça. Elle a une enfance misérable. Et d'ailleurs, l'enfance explique aussi sa façon de travailler par la suite, sa dureté, son égocentrisme, etc. Elle sera orpheline. Enfin, elle voit sa mère mourir à l'âge de 12 ans. La vie pour elle et ses frères et sœurs est extrêmement difficile. Et son père, qui est un colporteur, va tout simplement l'abandonner, elle et sa sœur, dans un orphelinat. Ouais. Et juste le mot orpheline, ça la glaçait. Elle supportait pas le terme. Donc, on peut imaginer comment étaient traités ces enfants-là, à l'époque, c'est absolument ouais. terrible. Elle va y apprendre la couture et tout, mais on parle de beaucoup d'heures de travail, de manque, une mauvaise alimentation, elle a eu froid, elle a beaucoup souffert dans son enfance et elle décidera de s'en sortir. Ouais. Alors comment s'en sortira-t-elle? Comment la jeune Gabrielle deviendra-t-elle donc Coco Chanel? Elle a une voix charmante. C'est vrai? Oh, j'adorerais vous entendre. Oh, non. Oui, si Coco, tu vas chanter. Vous connaissez pas la chanson de Coco? Non, pas moi. Si, tu vas chanter. Kika, kika, vu Coco, Coco, Nitro, Cadero. Allez, tu vas chanter. Allez, allez. Coco. Allez. Chante. Non, parce que là, on s'endort. Allez, Coco. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est cru que mon monde me trompait. Plus Coco m'était fidèle. Vous ne m'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro. Extrait du film Coco avant Chanel, réalisé par Anne Fontaine en 2009. On entend dans cet extrait le personnage de Coco, interprété par Audrey Tautou, chanter donc cette fameuse chanson « Qui a vu Coco dans le Trocadéro? » Je vous pose la question, Véronique Borboin, c'est comme ça que ça se passe. Mais comment devient-elle, Gabrielle, Coco Chanel? Alors, d'abord, dès la fin de l'orphelinat, elle est placée dans un atelier de couture. Donc, elle est ce qu'on appelle une cousette. Donc, une petite fille qui travaille 12-15 heures par jour. C'est pénible, c'est difficile. Puis elle a quand même plus d'ambition. Elle dit, moi, je veux devenir quelqu'un, je veux sortir de cette misère, j'en peux plus. Donc, elle fréquente des cafés-concerts qu'on appelait des beuglants à l'époque. Et puis, comme beaucoup de petites midinettes, de cousettes, il y a des officiers dans ces cafés importants. Et puis, elle s'est dit, peut-être que je pourrais chanter. Elle envoie d'autres. Alors, elle n'avait pas grande perspective. Soit tu chantes, tu deviens un petit peu célèbre, tu couches avec certains protecteurs, voilà. Donc, elle va chanter et effectivement, elle va se faire connaître, mais elle n'a pas de voix. Enfin, donc, elle n'a pas d'avenir là-dedans. Mais Coco, vient de cette chanson. Voilà, alors oui, absolument. Coco vient de « Qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» pour le prononcer comme elle. Elle va être connue grâce à ce surnom, et un officier, Balzan, va tomber amoureux d'elle. En tout cas, elle va lui plaire. Elle va en profiter pour sortir le plus vite possible à la fois de son atelier et du beuglant. Ouais. De sa petite ville. Et les hommes vont être importants pour elle. Balzan va lui faire connaître le grand monde, en quelque sorte. Puis vraiment, tout au cours de sa vie, les hommes seront importants. Ce qui nous amène à parler d'un deuxième homme important pour elle, qui est Arthur. sur Capelle. Racontez-nous l'histoire, mais c'est lui, au fond, qui lui permet d'ouvrir sa première boutique. Oui, en fait, Balzan va lui faire rencontrer le monde aristocratique. Ouais. Donc, elle va voir tout un monde qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle ne vient pas du tout de ce monde-là, mais elle va apprendre. C'est probablement une femme qui apprend très vite et qui regarde bien. Et évidemment, elle est obligée de coucher avec lui. Il y a un prix à tout, elle le sait, elle connaît le prix de tout. Alors, elle va rencontrer un de ses amis à lui, qui s'appelle Boy Capelle, et elle va le suivre à Paris. Et lui, il est le premier à voir, ah tiens, elle coud, elle fait des chapeaux, elle a du goût, eh ben moi, je vais t'ouvrir une petite boutique. Donc, il a quand même l'œil, ce que n'aurait pas fait l'autre bonhomme. 1909, sa première boutique. Oui, oui, voilà, rue Cambon à Paris. Et hélas, lui meurt d'un accident 10 ans plus tard, en 1919. Et ce sera un terrible chagrin pour elle. Elle dira que c'était l'amour de sa vie. Ouais. Mais avec Chanel, on ne sait jamais, parce que sa relation aux hommes est particulière. Elle connaît beaucoup d'hommes. Elle vit la vie d'une femme libre, ce qui est quand même un peu choquant à l'époque. Mais de là à dire qu'elle se laissera embrigader par un homme, non. Ouais. D'ailleurs, elle voudra en épouser aucun. Mais pendant ces, 10 années qu'ils passeront ensemble, il y aura cette première boutique à Paris, la guerre arrive, elle continue son travail pendant la Première Guerre mondiale, mais elle se déplace un peu dans les endroits un peu à l'abri de la guerre, les stations, Deauville, les stations chic, Biarritz, donc poursuit son petit bonhomme de chemin. En 1919, il y a 300 ouvrières déjà qui travaillent pour Chanel, et très tôt, vous nous en avez glissé un mot, mais très très tôt pour elle, arrive cette volonté de libérer la mode féminine de ce corset imposé par les hommes. On écoute la couturière Marie-Paul Nolin décrire justement la vision qu'a Coco Chanel de la mode féminine, extrait de l'émission Format 30, diffusée en 1971. Elle créa des choses très simples. Elle avait un goût qu'elle avait choisi pour elle et elle s'en est tenue tout le temps à ce goût, à cette élégance, cette finesse. Bien d'ailleurs, c'est elle qui a, je crois, commencé la libération de la femme. Elle l'a libérée de tous les... au lieu de l'étouffer, elle l'a habillée. Elle l'a libérée physiquement et moralement elle aussi. Elle l'a libérée du corset, m'a-t-on dit. Du corset et des vêtements rigides. Elle lui a donné le goût de s'habiller selon la circonstance. Le jour, par exemple, c'était un chandail, un chemisier, une petite jupe simple. Elle choisissait des tissus qui était agréable à porter, des tissus naturels, des soies naturelles, des laines, des tissages très, très légers. Comment décrire cette vision, cette manière, Chanel, mais l'intention qu'elle a par rapport au confort des femmes, Véronique Bourbon? Alors, il faut préciser aussi que c'est quand même Poiret qui a enlevé le premier le corset, mais il ne les a pas libérés. Elle voulait faire plus, elle voulait enlever le corset que les femmes avaient dans la tête. Mmh. Alors ça, c'est assez fabuleux. Et son idée, c'est, par exemple, à Deauville, puisqu'elle a commencé à faire ses premières robes dans les cités baldéennes. Donc, c'est important pour elle que les femmes soient confortables. Ouais. C'est à ce moment-là qu'elle va introduire le jersey. Et le jersey, c'est en fait, ce n'est pas un tissu qui est tissé, mais il est tricoté à la machine. Hein? Donc, c'est extensible comme nos t-shirts, si vous voulez. C'est du jersey. Et mais ça, c'est complètement nouveau à l'époque. Alors, ça, c'est complètement nouveau parce que les seules personnes qui portaient des jerseys, c'était les hommes qui portaient des maillots de corps. Ouais. Hein? Les fameux maillots de corps, les pyjamas en jersey, etc., les sous-vêtements. Et puis, mais pendant la guerre, donc pendant la Première Guerre mondiale, eh ben, il y a une pénurie de tissus. Et puis, évidemment, les tissus qui restent, on ne va pas les donner à Chanel, on va les donner à Poiret ou à d'autres. Alors, elle dit, qu'est-ce qui vous reste? Et on lui dit, ben, on a plein de jerseys. Alors, ben, je prends tout ça. Donc, elle prend ce tissu qui est extensible, donc, au prime abord, très confortable hein, à cause du côté extensible. Elle dit, ben voilà, je vais faire ce que je peux faire avec. Et elle va faire des vêtements qui tombent très, très bien, très confortables. Elle va aussi voir les marins dans ces stations balnéaires qui, eux, ont porté des jerseys depuis toujours. Dans, vous savez, les marinières, donc les pulls marins rayés bleu marin et blanc, eh ben elle va en porter. Et ça fait scandale, évidemment, au début. Ouais. En 1921, un premier grand coup pour elle. Il y a déjà eu des coups d'éclat dans la carrière de Coco Chanel, on en a parlé. Mais celui-là, vraiment, c'est un très, très grand coup. Son parfum, Chanel numéro 5. Pourquoi elle se lance dans l'aventure du parfum? Eh bien, je pense parce qu'en bonne femme d'affaires, elle se rend compte que Elle devine que ça va être payant. Mmh. Que encore aujourd'hui, les parfums apportent beaucoup plus d'argent aux maisons de couture que leurs robes. Ça, c'est bien connu. Et elle adore le parfum. D'ailleurs, quand elle rentrait dans sa maison, tout le monde, avant qu'elle arrive, il recevait un coup de téléphone du Ritz. La grande demoiselle arrive, mettez le parfum. Mmh. Donc, je pense que personnellement, elle l'aimait parce qu'elle suivait la mode qu'elle aimait, ouais. qu'elle se faisait. Donc, ce flacon est très moderne aussi parce qu'elle il y ajoute des essences artificielles. Ouais, et ouais. donc, elle dit, je veux l'artificiel sans plus naturel que le naturel. Ouais. Et elle le met, en plus, dans un flacon très masculin. Je le signalais un peu plus tôt, les hommes vont être importants dans sa vie. On l'a déjà vu, il y a eu deux grandes figures qui se sont succédées depuis le début de notre entretien. En 1924, une autre figure importante, elle rencontre le duc de Westminster, qui va apporter, donc, au travail de Chanel, la touche anglaise, Véronique Borbois. Ben, d'abord, ça va être un amant, donc c'est déjà pas mal. Et c'est aussi l'homme le plus riche d'Angleterre. Elle est choisie un petit peu, disons. Ouais. Mais c'est à lui qu'elle va emprunter, entre autres, sa fameuse veste en tweed. Ouais. Donc, le tweed est un tissu qui a été mis à la mode par le prince de Galles, donc à la fin du siècle précédent. Donc, les hommes les portent. Mais le tweed est un tissu en apparence grossier, si vous voulez. Ça imite les laines utilisées par les bergers écossais ou anglais. Et donc, elle va trouver que pourquoi est-ce qu'il n'y a que les hommes qui le portent. La texture est formidable, c'est très confortable, c'est de la pure laine. Et elle va lui emprunter pour ce tissu, ce fameux tweed, pour ses premiers tailleurs. Coco Chanel, ça devient vite, donc on l'a vu, une femme riche, une femme célèbre, une femme qui va, dans les années 20, à partir des années 20, mais ça va la suivre toute sa vie, fréquenter aussi assidûment le milieu artistique parisien. Tout à fait. Donc, elle va fréquenter tout ce qui compte. On peut citer Picasso, Diaghilev, Stravinsky, etc., Cocteau aussi. Et puis, elle va être leur mécène de temps en temps. C'est pas oublier que c'est quand même elle qui a financé le Sacre du printemps, donc de Stravinsky. Et, elle a une affaire aussi... avec Stravinsky, une aventure, non? Oui, oui. Ouais. Ben, on ne sait jamais exactement. Ouais. Mais elle reste discrète là-dessus. Mais disons qu'elle les collectionne. Et elle aimait aussi les grands personnages comme le grand-duc Dimitri, le prince russe. Donc, elle aimait la haute sphère. 1926, autre très grand coup pour elle. Elle crée sa désormais célèbre petite robe noire. C'est aussi une petite révolution, cette robe-là, Véronique Borbouin. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'esprit Chanel? Eh bien, d'abord, c'est très moderne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ce n'est pas du tout vrai aujourd'hui, mais à l'époque, le noir était réservé au deuil. Ou à la robe de mariage, pour les gens ordinaires. Mais donc, elle, tout d'un coup, s'est dit, non, mais le noir, quand on est pauvre, quand on n'a pas grand-chose, si on a une seule robe, on doit avoir une petite robe noire. Parce que ça, c'est élégant et ça va avec tout. Et on dit la même chose aujourd'hui. On sait que le noir, les femmes portent énormément de noir aujourd'hui, ouais. parce que ça va avec tout. Il suffit de mettre un petit collier, une petite veste de couleur et tout est élégant. Et ça fait cette petite robe noire que les États-Unis, entre autres Vogue, le Vogue américain va s'intéresser, c'est important pour elle, oui. va s'intéresser à sa carrière. Oui, d'ailleurs, Vogue va dire que c'est la Ford de la mode. Oui, imaginez. 36, elle vit une espèce de trahison professionnelle. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle va le vivre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'en 36, en France aussi, c'est tous les ouvriers qui obtiennent des congés, etc. Donc, on imagine qu'elle traitait ses couturières d'une façon très maternelle, mais on dirait paternaliste, mais qu'elle était dure avec elle. Ouais. Sa vie, à elle, avait été extrêmement dure. Elle faisait une vie qu'elle trouvait beaucoup plus intéressante pour ses couturières, mais ses couturières trouvaient ça épouvantable. Et elles vont faire la grève. Elle ne va jamais l'accepter. Et elle a la mémoire longue. Elle est féroce, elle se vengera. Ouais. Parce que quand la guerre va débuter, en 39, après une première collection, hop, elle va mettre à la porte 4000 ouvrières, couturières. Elle ferme son atelier boutique, de Paris. Elle ferme boutique. De fait, qu'est-ce qu'elle va faire pendant la guerre? Eh bien, elle garde ses parfums. Ouais. Hein? Elle est maligne, c'est ça qui rapporte. Et elle n'a que 10% d'action dans ses parfums. C'est une famille juive très importante, Wertheimer, qui possède l'argent des parfums, mais qui l'ont financé aussi. Donc, c'est pas grave pour elle, elle a plus sa maison, mais elle devient riche. Hmm. Il y a tout un... Elle va déménager au Ritz à cette époque-là. Elle va s'acoquiner. En fait, son nouvel amant est un Allemand. Parlez-moi un peu de ça. Avec le recul, on va dire qu'elle a... Il y a toutes sortes de rumeurs qui vont circuler. Est-ce qu'elle a été espionne? Est-ce qu'elle a collaboré avec les nazis? Qu'est-ce qu'on sait au final de tout ça? Aujourd'hui, maintenant que les documents sont déclassifiés, on sait qu'elle a collaboré avec les Allemands. Mais je pense qu'elle elle prenait ce qui venait. Il y avait du Jersey, il prend du Jersey. Ouais. Il y a des Allemands, on prend des Allemands. Ouais. Dans ce sens-là. Et puis, elle a effectivement eu une relation amoureuse avec le baron Spatz, qui lui, ça, comme par hasard, il appartenait au renseignement militaire allemand. Mm-hmm. Ça tombe mal, hein. Mais c'est quand même lui qui va l'aider pour sortir d'un camp de travail son neveu, le fils, son unique neveu, le fils de sa sœur qu'elle aimait tant. Peut-être que c'était son propre fils, ouais. On ne le sait pas. Et elle va réussir, grâce à l'intervention de ce militaire, à le sauver, à lui sauver la vie. Donc, qu'est-ce qui est d'ordre de l'amour ou de l'ordre de la convention? On veut sauver son neveu ou son fils, ouais. On ne le sait pas. Et après la guerre, elle prend une longue pause. Elle va partir une dizaine d'années en Suisse. Elle est à la retraite à ce moment-là. Et coup de théâtre, en 1954, elle a 71 ans. En 1954, elle décide de rouvrir sa maison de Paris. Pourquoi, Véronique Bourbois? Eh bien, parce que si vous regardez qu'est-ce qui arrive en 1954, eh bien, il y a un autre couturier, un jeune fringant qui a pris le volant de la haute couture, et c'est Dior. Et il introduit tout ce qu'elle déteste. Mmh. C'est-à-dire, il recorsette les femmes, il refabrique leur corps, il les oblige à s'habiller comme lui, il veut. Et c'est une mode dirigée par un homme. Mmh. Ça, moi, je pense que c'est la rage qui l'a fait revenir. Ouais. 56, donc, après son retour, un dernier coup de génie, mais vraiment tout un coup de génie, son célèbre tailleur, un tailleur qui va tout simplement passer à l'histoire. Absolument. Donc, c'est un tailleur, on l'appelle d'ailleurs le tailleur Chanel, en tweed. À nouveau le tweed, gancé d'une couleur qui forme un contraste, donc extrêmement élégant et bien avec une belle tombée, une belle tenue. Il a 4 poches et deviendra un grand classique. Et il sera souvent copié, il est encore porté aujourd'hui. Donc avec, dans sa simplicité, elle a réussi à faire une mode qui n'est pas démodable, puisqu'on le porte encore aujourd'hui. Ouais. On peut sortir dans le métro avec et paraître extrêmement élégante. Ce qui est un tour de force. Ça, c'est important. Et un personnage aussi important que Jackie Kennedy portait ce fameux tailleur Chanel rose lorsque son mari a été assassiné. Ouais. Donc le monde entier a vu les gouttes de sang sur un tailleur Chanel. Ça fait quand même une belle publicité. Ouais. Elle meurt en 1971 à l'âge de 87 ans, Coco Chanel. Plutôt que de parler de son héritage, parce qu'on l'a vu tout au cours de l'émission avec vous, une dernière question, Véronique Bourbouin. Qu'est-ce qu'aurait pensé Chanel de la mode qui se fait aujourd'hui? Elle n'aimerait pas le côté très sexy, très femme qui se plie au dictat des hommes. Dans ce sens, elle n'aimerait pas. Mais elle aimerait beaucoup l'utilisation du noir. Oui. Parce que c'est quand même elle qui l'a mis à la mode. Véronique Bourbouin, c'était passionnant. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Véronique Bourbouin, spécialiste du costume, professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.